Chapitre 52e. La vie ou la mort. Paulin Broquet et Miss Eden frémirent d'épouvante, mais ni l'un ni l'autre ne s'écartèrent. Et Miss Eden, à son tour, tendit vers la malade sa main longue et blanche. « Du courage, madame, dit-elle. Nous allons faire, mon mari et moi, tout de suite, ce qu'il faut pour arrêter la marche du mal, en attendant qu'un de nos amis, le docteur Robert Montreuil, qui est un spécialiste de ces maladies, qui a fait des cures merveilleuses, vienne vous soigner. » Lui maîtrisera le mal, croyez-moi. Non, madame, je vous remercie de vos bonnes et charitables paroles, mais le maître, en me frappant, savait que rien au monde ne pouvait m'arracher à son châtiment. Pardon, madame, répondit gravement Miss Eden, mais nous avons avec nous un auxiliaire contre lequel le misérable qui vous a frappé, quelle que soit sa puissance, ne peut rien. Croyez-moi, le docteur Montreuil vous pansera, Dieu vous guérira. Des larmes plus abondantes coulaient des yeux de madame Garitza. Pour vous donner confiance, pour vous montrer que mon mari et moi nous sommes sûrs de la guérison, voyez, nous tenons vos mains. Voyez, nous vous gardons. Voyez, nous vous soignons sans plus craindre pour nous que si votre peste lépreuse n'était pas plus grave qu'une migraine. Madame Garitza doucement répondit, « Madame, merci de vos paroles qui veulent me donner de l'espoir. Merci. Je ne puis que prier ce Dieu qui guérit de vous préserver, de me laisser garder pour moi toute seule l'horreur de ce mal. » Paulin Broquet était sorti depuis quelques secondes. « Mon garçon, dit-il à l'amorce, tu vas te faire conduire par Sidi, vite, mais sans qu'il écrase personne, ou veuille passer à travers les maisons pour éviter les carrefours. Tu vas te faire conduire chez le docteur Montreuil. Tu lui diras ce que tu sais de l'aventure. Zygomar a injecté à cette malheureuse la peste lépreuse. Dis-lui de venir immédiatement avec tout ce qu'il faut pour opérer un des miracles dont il est coutumier. Ça va, chef. » Quelques minutes après, on entendit ronfler le moteur de Sidi et corner sa trompe. L'auto s'éloignait avec la vitesse folle qui était son train normal. Mais cette fois la trompe ne chantait pas joyeusement « Pan, pan, larbi, les chacals sont par ici !» Paulin Broquet revint dans la chambre de Madame Garitza. Il tenait une boîte de secours. « Madame, dit-il à la malade, en attendant la venue du docteur Montreuil, permettez-moi de faire quelque chose qui peut être très utile pour votre guérison. » Tout en défaisant la boîte et en cherchant rapidement ce dont il voulait se servir, il ajouta « Miss Eden va vous dire comment le docteur Montreuil a déjà eu l'occasion de soigner des cas de peste et de guérir des malheureux que le maître, que l'infernal Zygomar, avait comme vous aujourd'hui, mais alors en employant au lieu d'une seringue de bravat, les moustiques, condamnés à la mort atroce et épouvantable, à laquelle vous aussi vous allez échapper. » Puis il s'approcha du lit de la malade. « Donnez-moi le bras qui porte la piqûre. » Il entoura ce bras d'un bracelet de caoutchouc de façon à arrêter la circulation du sang, puis avec une lancette il pratiqua une saignée. Dans un bassin il recueillit le sang. Ce sang coulait, généreux, jeune, riche, mais sa couleur était plus foncée qu'il n'eût convenu, et près des bords du bassin s'étendait une ligne frangée, irisée, à reflets jaunes verdâtres. Paulin Broquet, malgré lui, en apercevant cette frange significative, plissa le front. Miss Eden, qui vivement aussi s'était penchée sur le bassin dès qu'il commença à se remplir, remarqua également cette frange inquiétante. Il tourna les yeux vers son mari et changea rapidement avec lui un regard désolé. En même temps, machinalement, elle serrait plus fort la main de Madame Garitza, qu'elle tenait dans les siennes, pour encourager la malade. « Pauvre femme, pensa-t-elle. Madame Garitza, comme tous les malades à qui rien n'échappe de ce qui se passe autour de leur lit de souffrance, avait surpris la contraction du pli du front de Paulin Broquet, ce regard échangé avec sa femme, et elle avait compris pourquoi Miss Eden lui avait serré tout à coup plus fortement la main. « Je suis perdue, n'est-ce pas » demanda-t-elle. « Vous venez de vous en rendre compte, je suis empoisonnée. »« mais non, » assura Miss Eden. « Si, je ne me fais aucune illusion, je n'ai aucun espoir. Cet homme n'a jamais fait grâce à ses victimes. » Paulin Broquet ne se sentait plus la force de faire naître chez cet infortuné la moindre illusion par un mensonge. « Certes, madame, dit-il, vous êtes blessée, frappée. Mais j'espère avoir, par cette ligature, arrêté grandement la marche du poison. J'espère, par cette saignée, avoir pu l'éliminer avec une grosse part de sang vicié. Et surtout, j'ai, dans le savoir du docteur Montreuil, la plus entière confiance. Je l'ai vu faire des miracles, j'attends tout de sa science, et je garde pour vous le meilleur espoir. » Grâce à la vitesse que Sidi, cette fois encore, demanda à son ami le moteur, le docteur Robert Montreuil fut bientôt à la villa. Après les quelques phrases rapides de présentation, le docteur Montreuil entra dans son rôle de médecin. Tel était le charme de cet homme, si grande était sa puissance de séduction, si profonde la sympathie que dès le premier abord il inspirait, que Madame Garitza, qui pleurait, qui malgré les douces paroles de Miss Eden, les encouragements de Paulin Broquet, se sentait condamnée, se voyait mourante. Madame Garitza se mit à sourire au docteur Montreuil et sentit dans son cœur poindre une aurore d'espérance. Le docteur Montreuil vit le bassin rempli de sang, le bras ligaturé. « Bien cela, dit-il, bonne idée. Mettez le bassin de côté pour l'analyse. » Et il examina la malade, s'attachant tout d'abord à lire dans ses yeux la qualité du toxique minéral, végétal ou organique, dont les caractères, au bout de peu de temps, se peuvent reconnaître dans les pupilles plus ou moins contractées. Cette reconnaissance était nécessaire au docteur pour savoir la qualité de sérum qu'il devait employer. Quand il eut fini cet examen, qui ne demanda d'ailleurs que quelques secondes, il dit à la malade « C'est bien un produit organique que contenait sa seringue de Prabha. Et madame, cela est un bonheur pour vous dans ce crime, parce que ce virus, pour être conservé, pour pouvoir être manipulé et être ensuite appliqué de cette odieuse façon, a forcément été travaillé dans un laboratoire. Il a subi par conséquent certaines atténuations qui ont pu en modifier le caractère. C'est ainsi que le virus finit par devenir un sérum, et que ce qui tue gagne la mission de guérir. » Tout n'était pas absolument exact au point de vue strict de la science bactériologique, mais c'était assez vrai pour que la guérison prochaine pût en garantir l'authenticité, et surtout pour que dans l'esprit de la malade pénétrassent la foi et la force d'espérance qui sont les plus précieux auxiliaires du médecin. Il demanda ensuite « C'est, avez-vous dit, la peste lépreuse ?» Le misérable me l'a affirmé. « Peut-être a-t-il, pour vous effrayer, pour doubler votre effroi, faussé la désignation du mal dont il vous frappait. Je ne crois pas qu'on ait scientifiquement à sa disposition le moyen de communiquer ainsi le mal épouvantable de Malaisie. Je suis plutôt enclin à croire qu'il ne vous a inoculé qu'un mal dont il a déjà fait usage et que nous avons eu à combattre. J'ai dit à Madame Garitza, interrompit Miss Eden, « avec quel bonheur votre science et votre habileté avaient triomphé de la peste que ce misérable répandait grâce à ses auxiliaires insaisissables, les assassins ailés, les terribles moustiques. J'espère donc, dit le docteur Montreuil, qu'ici nous avons encore à lutter contre ce mal. La peste lépreuse est tout simplement la peste que nous connaissons et que la médecine peut combattre avec quelques chances de succès. » Tout en parlant, le docteur Montreuil, sur une table, avait ouvert la trousse et, secondé par Paulin Broquet, tout préparé pour l'injection du sérum antipesteux. L'inoculation fut promptement faite. « Ne vous effrayez pas, madame, dit le docteur Montreuil, si dans la journée vous avez de gros accès de fièvre. Ce sera bon signe. D'ailleurs, je ne vous abandonne pas. Mes chers amis me donnent l'hospitalité pour aujourd'hui. Je tiens à vous suivre heure par heure. Maintenant, je serai content si, vous sentant ici chez Miss Eden, chez Paulin Broquet, absolument à l'abri de tout danger, vous voulez bien vous reposer et dormir. Je vais faire mon possible, docteur. Miss Eden va d'ailleurs vous garder en vous préparant une boisson que je vais lui indiquer. » Le docteur Montreuil sortit avec Paulin Broquet, emportant sa trousse et le bassin d'opération qui contenait le sang prélevé tout à l'heure au bras blessé. Paulin Broquet, qui n'aimait pas qu'on lui posât, au cours de ses enquêtes, la moindre question, se garda bien d'interroger le docteur Montreuil. Il le conduisit dans son cabinet de travail, disposa sur la grande table sa trousse, ses outils et le bassin plein de sang. « Vous avez un microscope, si j'ai bonne mémoire ?» lui demanda le docteur Montreuil. « Le voici. » Paulin Broquet le lui apporta. Puis, ayant tiré les rideaux pour que la lumière entrât le plus possible dans le cabinet de travail, il alluma une cigarette et dans le fond de la pièce se mit à marcher, à son habitude, se tenant là à la disposition du docteur Montreuil qui se livrait à son étude du sang de Madame Garitza. Une demi-heure après, Miss Eden, tout doucement, vint le rejoindre. « Elle dort, » fit-elle. Tous deux, alors, silencieusement, s'assirent dans un grand canapé, attendant le résultat des recherches du docteur Montreuil. Paulin Broquet avait un laboratoire de chimie, de physique, assez bien installé, et un laboratoire de photographie des mieux aménagés. Le docteur Montreuil les connaissait. À diverses reprises et toujours silencieusement, il pénétra dans le laboratoire de chimie et alla s'y livrer à divers travaux. Le détective et Miss Eden le laissaient agir à sa guise, se gardant bien de le troubler par la moindre question, attendant qu'il voulût bien leur parler. Alors il aurait quelque chose de sérieux, de précis à leur dire.